Bonjour, mon nom est Patrick Archambault, animateur du podcast Le Podcast sans nom. L'enregistrement qui suit fut un pilote enregistré le 13 décembre dernier en compagnie de Lynn Bou du podcast Geek Bécois et du site Web et Mascara. Nous débattions avec toute l'équipe des spoilers, si cela vous dérangeait de savoir la fin d'un film ou d'un jeu vidéo. Comme signalé, ceci était un pilote. Alors, il est possible que nous avions encore quelques trucs à ajuster pendant l'enregistrement. Nous vous invitons le 17 décembre prochain pour un pilote beaucoup plus officiel, là où nous débattrons de nos palmarès pour les jeux vidéo, les films et les CD musique pendant l'année. Merci beaucoup de nous avoir téléchargés et bonne écoute! C'est vraiment important que moi j'essaie de garder une petite chaîne. C'est ça que si je découvre par moi-même, ça ne me dérange pas d'aller lire des sujets dans les forums. Moi, je m'en fous là, qu'il y ait plein de fins dans Deus Ex Human Revolution. J'y ai pas joué. Je veux pas savoir c'est quoi les fins. J'ai écouté la trame sonore, le thème musical de Deus Ex. C'est vraiment beau. Ça me dérange pas, des musiques et tout ça. Mais des jeux, des films, des livres, s'il faut. Non, merci, je veux rien savoir. Tout simplement. Je ne veux pas vous spoiler, mais dans Mario Bros, quand tu rentres dans le château et tu n'es pas le boss, à la fin, il arrive et Toad te dit « Your princess is in another castle! » Ah, ça me dérange pas bien, mais les jeux, justement, mais on parle justement de ça, mais Mario Galaxy, là, c'est des planètes absolument étonnantes à explorer. Moi, c'est le genre de spoilers que je veux pas. Je veux explorer la planète, être surpris. Il y a une planète, justement, tu refais des retours en arrière, puis je spécifie pas, puis c'est vraiment intense de redécouvrir ces paysages-là, puis réentendre certains thèmes, justement, qui sont tellement nostalgiques. C'est la même chose avec The Legend of Zelda. C'est la même chose avec Donkey Kong Country Return. C'était vraiment intense. Metroid, c'est la même maudite chose. Bref, c'est vraiment ça. Spoilers, zéro pour moi. Faut que vraiment je découvre le jeu moi-même. La preuve, Arkham Asylum, je savais rien du jeu. Puis j'ai adoré l'expérience. Là. Je pense que c'est aussi notre job en tant que podcasteur ou en tant que critiqueur de jeu de ne pas le dire. Parce qu'au moment où tu commences à dévoiler des punchs, ben ça enlève l'expérience de jeu aux gens qui t'écoutent. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie aussi, dans le fond, de l'esprit d'un podcast de jeux vidéo, d'en parler, de vendre le jeu ou de pas le vendre partout, là, de leur montrer aux gens qu'ils devraient le jeter aux poubelles ou pas l'acheter, tout simplement, mais en gardant quand même en tête que... en gardant en tête que les gens, ils veulent pas, tu veux pas enlever le trip aux joueurs, là. Tu sais, je veux dire, il y a rien de pire que, justement, puis je spoilerai pas, évidemment, mais de jouer à Batman Arkham City, puis de pas avoir de, tu sais, de savoir la fin, c'est ridicule, là. Ouais, c'est ça, là. Puis quand tu découvres la fin, puis tout ça, puis là, tu fais comme, oh merde, pourquoi j'achète ce jeu-là? Tu sais, je regarde des commentaires sur jeuxvideo.com, là, des fois, là, tu sais, les spoilers sont à côté, c'est fou. C'est fou. Pour ça, quand j'ai acheté un jeu vidéo, je ne vais jamais sur les forums de jeuxvideo.com. Il y a tellement de trolls qui s'amusent à spoiler. Je me suis fait spoiler la fin de Red Dead Redemption. Je me suis fait spoiler la fin de Heavy Rain là-dessus. C'est con, ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour les jeux vidéo, je ne veux pas savoir le spoiler. Même si on s'en doute là, pour certains jeux. Mais pour les films, moi, ça ne me dérange pas parce que j'en ai tellement vu qu'un film qui t'aime, Lynn, t'en écoutes sûrement autant que moi, on connaît le cheminement du début à la fin. Au début, ils ne se connaissent pas. Au deux quarts du film, ils vont s'aimer. Au trois quarts, ils vont casser. Puis au quatre quarts, ils vont se réaimer. Ah, en tu fait, parles de Twilight, là? je vous donne un exemple. En fin de semaine, pour faire plaisir à ma copine, on écoutait Friends with Benefit avec Justin Timberlake. Pas vu, mais non. C'est le film qu'Étienne, comme qu'on les connaît. Scénario. Par excellence. Ouais, ça. Scénario bien établi, bien structuré. Fait, ça, c'est le genre de spoiler. Mais si tu me le dirais, je vais le deviner pareil. Company Man avec Ben Affleck et Tommy Lee Jones, j'avais deviné dès le début. Bon, check bien ça, le gars vient de se faire congédier. À la fin, attention, spoiler, il va refonder sa propre compagnie. Non, c'est ça. Fait que moi, les spoilers de films, il faudrait vraiment, à part le sixième sens, que tu m'impressionnes vraiment beaucoup là, pour que je sois surpris de la fin. Là. Moi, il y a cool, la fin. Ouais, elle dit pas ça, arrête, j'ai pas vu. Non. Mais tu sais, c'est ça, moi je pense aussi aux films. Tu sais, il y a des films que je m'en fous, il y a des films que j'ai même pas l'intention de voir parce que tu sais, je suis maman d'une petite fille, je suis enceinte d'un autre, fait que j'aurais pas le temps de les voir. Anyway, je suis tellement en retard d'un film, ça n'a même pas de sens. Fait que, tu sais, je me dis, peu importe, tu sais, des fois, il y a des filles, justement, ou des amis qui parlent de films, puis je dis, ben, comment ça finit, là, anyway, je le verrai pas. Tu sais, il y a des films que je m'en fous, mais il y a des films que j'aurais capoté. Tu sais, je pense à un film, moi, qui m'a vraiment, puis c'est un vieux film quand même, là, mais que j'ai tellement trippé, je sais pas si vous l'avez vu, Click avec Adam Sandler, qui est un vieux oui. film. Ouais. Ah oui, c'est quand même drôle de temps en temps, ouais, c'est oui. Oui, c'est drôle, mais c'est touchant aussi, puis je m'attendais pas à cette tournure-là, que ça devienne à être touchant, le film. Puis ça, je m'en aurais pas attendu. Ça, me l'avoir fait spoiler, j'aurais trouvé ça plate. Je suis pas une fan d'Adam Sandler, mais mon chum, oui, puis c'est à cause de lui, justement, qu'on l'a écouté pour finalement que je sois surprise, puis, tu sais, comme on dit, que je sois complètement déstabilisée parce que le film, je l'ai adoré. Je m'en attendais vraiment pas d'être touchée comme ça. Ça, c'est des genres de films que je suis contente de ne pas avoir été spoilée. Tu sais, j'étais comme, OK, on va l'écouter, là, c'est Adam Sandler, mais whatever. Mais ça, c'est des genres de films que j'aime, que tu t'attends à quelque chose, puis finalement, la twist est complètement différente. Tu sais, là, ça, c'est cool. T'sais. Toi, Lynn, tu disais être fan d'Adam Sandler. Est-ce que Jack and Jill t'intéresse sérieusement? Non, moi je te reprends, je ne suis pas fan d'Adam Sandler. Ah, mon chum l'est. OK. Mais par exemple, les derniers films qu'il a fait, j'ai quand même aimé ça. J'ai été voir celui avec Jennifer Aniston. Moi, je suis fan de Jennifer Aniston dans la vie. Je l'aime beaucoup comme comédienne. Puis elle est belle aussi. Piquet Souban semble être blessé. Je m'excuse de couper carrément. Piquet Souban était plaqué assez durement. Puis c'est la sœur levée. Là, donc Piquet Souban. Il est capable. Style. Ouais, il est correct. Là. Il, supposément qu'il est correct, mais une mise en échec quand même assez dangereuse. Là. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi, Jack and Jill, là, ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'haïs autant ça, des genres de films que genre, tu sais, le Nigo de Professeur, puis le film avec Eddie Murphy qui fait les grosses, là. Moi, je trouve pas ça. Personnellement, moi. C'est ça. Non, moi, ça, là, c'est les pires films là, qui se font. Je comprends même pas qu'on rit de ça. Je veux dire, on rit des gros, on rit des noirs, on rit. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, c'est du n'importe quoi. Là. Ça, là, donner un budget pour faire un genre de film comme ça, je trouve ça triste, justement, pour les compagnies qui commencent, qui recherchent à évoluer dans le cinéma. Puis qui vont donner un budget parce que c'est Eddie Murphy, parce qu'il se déguise en 8 personnes différentes, qu'on s'en fout dans le fond, puis que c'est même pas drôle. Moi, ça, je trouve ça ridicule. Fait que Jack and Jill, je mets ça dans la même gamme que ce genre de film-là. Je suis d'accord avec toi, Lynn Bush. Je me rappelle, c'est quoi, il y a à peu près 2 semaines, moi puis une amie, on a été. Moi puis ma copine, désolé, mon amie. Oh boy, une chance qu'elle n'écoute pas. On a été voir une... Jean-Tenard va aller dormir sur le sofa ce soir. Ah, il n'est pas confortable en plus. Dans le garage avec ça. on a été voir une humoriste de la relève. Je nommerai pas son nom pour ne pas inouer, pareil. Et la fille, c'est une imitatrice. J'ai rien contre les imitatrices. Véronique Dicker, j'aimais. Caroline Mercier, à ses débuts. J'ai toujours été un grand fan de Stéphane Rousseau et André-Philippe Gagnon. Sauf que elle prenait malin plaisir de se moquer de la personne dont elle rit. Désolé, mais moi, Ginette Renault, tu peux, oui, prendre sa voix pour chanter une chanson, mais prends pas sa voix et une de ses chansons pour se moquer d'elle. C'est non. Une femme pas touche. Désolé, mais elle, tu n'y touches pas. Non, c'est ça. Il y a des limites à imiter des personnes. Il faut que tu le fasses dans un certain respect. T'sais, André-Philippe Gagnon, Véronique Dicker, pour moi, c'est deux des meilleurs imitateurs et imitatrices dans le cas de Véronique. C'est vraiment excellent ce qu'ils font. C'est vraiment drôle. Puis ils le font toujours avec un certain respect, une certaine dérision également, puis toujours dans le même but de dire que on les aime, ces personnes-là, on les imite, tout ça. Mais il y a des limites, sérieusement, à imiter une personne, la caricature aussi. Ben, tu sais, je pense que c'est d'aller dans la gamme aussi d'humour gratuit, puis humour facile, puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, tu sais, mais le pire, c'est qu'il y a un marché pour ça, parce que ça se fait, puis parce qu'il y a du monde qui va aller voir ces films-là, il y a du monde qui va aller voir ces shows-là, que ça pogne pas, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, il y a du monde qui embarque pas dans l'humour noir, il y a du monde qui embarque, je veux dire, rendu là, tu sais, c'est une question de goût, c'est sûr, sauf que... Je pense que tout ce qui est gratuit, puis qui est facile, puis qui est méchant, puis mesquin, d'un côté, c'est bien beau de dire « Ouais, mais c'est de l'humour. Ouais, mais non. Moi, à un moment donné, là, je trouve plus ça drôle. » Tu sais, là. C'est mon justement, avis. Même dans des fois, quand je regarde Gérard Delaflaque, là, des fois, c'est certain qu'il va au TOS, mais il y a toujours une certaine. Il connaît les politiciens, il a rencontré ces personnes-là, puis il connaît un peu plus leur côté public. C'est quand tu vois des caricatures de Maxime Bernier ou même, même à l'époque, Jack Layton, tu leur connaissais, cette personne-là. Des fois, ce qui est drôle, c'est que quand tu les écoutes à la radio, quand tu ne les regardes pas en les entendant parler, moi, là, Jean Charest et Stephen Harper, là, moi, là, c'est pas la personne, c'est pas le politicien que je vois, c'est la caricature qui me parle. Là. Sérieusement? Ouais, c'est ça. C'était tellement drôle. À un moment donné, ma mère, elle me dit carrément « Hey, c'est Gérald Tremblay de la Flaque là, qui parle. » C'est tellement niaiseux comme ça. Fait que c'est ça. Non, c'est... moi, si on a du respect pour la personne, excusez-moi, mais l'humour, quand on l'imite, touche pas à la personne personnellement. Les bye-bye sont capables d'être corrects. Je sais qu'RBO avait eu certains problèmes des fois. Je m'appelle puis Manfort, eux autres en ont eu beaucoup de problèmes. C'est une raison pourquoi ils avaient arrêté, parce que la limite était irréparable. Ouais. Et aussi que c'était écrit, là, c'était scripté. Ah, oh, ça paraissait ouais. Ben trop. Ouais. C'est ça. Puis le monde y est pareil entre deux, trois bières, fait que tu sais. Ouais, c'est ça. Ah. Il avait passé justement, je pense, à Tout le monde en parle, puis il avait dit c'était scripté du début à la fin. Puis avec ouais. Un bon animateur de foule pour rire aux gags, c'est assez facile dans ce temps-là. Oui. Il y en avait des bons gags des fois, là, mais c'était des fois ça y allait autour, c'était fou. Là. Des fois, ça revenait tout le temps, c'est la même personne. Ça devenait carrément ce qu'on appelle en mauvais français du bashing. C'est-à-dire, ouais. Il y allait autour, là. Ouais. C'était ça, mais tu sais, c'était le genre d'émission. C'était plus, je pense, que les gens aussi avec Pimentfort dans le temps, c'était de. Ça m'a fait passer pour des cons un peu, ouais. de s'être fait dire, tu sais, c'est live, puis finalement, c'était pas ça du tout. T'sais, à un moment donné, on n'est pas capable non plus au bout de la ligne. Moi, j'étais plutôt jeune à cette époque-là, mais je l'écoutais quand même, puis, ouais. Tu sais, c'est sûr que j'ai apprécié quand même cette émission-là parce que j'étais plus jeune, mais tu sais, je me rappelle, mes parents n'étaient pas capables non plus, tu sais, là, je veux dire, où, tu sais, la majorité des gens le comprenaient pareil. Je pense qu'on a. Tout embarqué dans cette émission-là. On l'a tout pas mal regardé, notre génération. On était arrivé à 6h30. Il y en a qu'on riait, il y en a qu'on trouvait plate. Les premières années étaient bonnes, mais plus ça allait, là, plus. Oh, ça travaillait. Là. Puis tu voyais que Norman Brathwaite, il travaillait pour que les jokes soient comiques. Puis tu voyais là, des fois, mon Dieu, c'est-tu moi, c'est la même joke qu'on répétait la semaine dernière? Ouais. Ça manquait d'inspiration pour tout ça. Il y avait des jokes qui étaient tellement drôles. Je m'en souviens, Danny Turcotte, il en avait sorti une, je vais la répéter carrément. À un moment donné, c'est un squelette qui rentre dans un bar, il commande une bière et une mop. Ça a été le silence total, pis ouais. C'est ça. Mais sérieusement, plus ça avançait, plus c'était plate. Pis c'est ça. Mais le monde buvait aussi, fait que le monde embarquait dans le show. Fait que mais voilà. Oui, c'est ça. Puis, personnellement, tu sais, Pimentfort, ça va rester quand même un grand phénomène de la télévision francophone, c'est certain, il n'y a aucun doute là-dedans, mais qu'est-ce qui va battre La Petite Vie, il n'y a rien, ça, c'est certain. Non, c'est ça, t'sais, on parle d'humour, mais des fois, c'est gratuit souvent, là, puis même, je trouve que quand même essayer de prendre un second degré. C'est quand tu entends que Guy Nantel se fait reprendre ses propres propos par des personnes d'extrême droite de la France, là, il y a vraiment des limites. Oh ben le monde, tu sais, le monde, ils prennent comme qu'ils veulent aussi. Ils peuvent transformer des paroles. Tu sais, maintenant, c'est tellement facile. Je veux dire, t'entends une blague, puis tu te dis que, OK, ça veut dire qu'il est complètement de l'extrême droite. Je veux dire, c'est n'importe quoi, mais au fond, le monde qui l'écoute, lui, tu sais, si c'est moindrement logique, Guy Nantel, ben il s'en fait pas avec ça, parce que c'est sûr que c'est frustrant. Mais à un moment donné, tu peux pas commencer à tout changer ton humour pour 3-4 épées qui, ben là, et plus, là, eux autres, c'est sûr. Là. Mais tu sais, pour des épées qui transforment ses paroles, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut. Quand tu sais que tu as un humour qui est clean, puis que les gens d'ici comprennent ton humour, ben il faut un peu se sacrer de ce qui se passe ailleurs, je pense. Là, tu sais, là, c'est. Oui. C'est là qu'il va avoir de la misère à sortir de là aussi, là, du Québec. Il y a certaines émissions des années 80-90, on les referait aujourd'hui, là, ils seraient tout de suite coupés des ondes, sans limite. On avait eu, à un moment donné, Claude Legault qui avait une idée de génie qui s'appelait Dieu reçoit. Ça l'est coupé après 6 épisodes parce que le clergé était contre cette émission-là. Ouais. Vous n'avez pas le droit. C'est ça. C'est ça. Et je pense que c'est là que ça a commencé là, avec Dieu reçoit, le début de tous ces polémiques. On n'a plus le droit de rire de personne, on n'a plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. Mais RBO et les cyniques, ils feraient quoi aujourd'hui? Oui, il n'y en aurait pas. C'est ça. Tu sais, t'arrives, je m'en souviens justement, tu voyais l'annonce religieuse carrément à RBO qui faisait une caricature d'une imprimante, Xerox, une crise de bonne machine. C'était carrément ça, puis c'était religieux au bout, là. Puis super Jésus également, cette caricature-là. Mais non seulement l'humour de dégradé, mais on commence tout au premier degré. On prend une certaine phrase, puis on met ça dans un média. T'sais, on se souvient justement ce que ça avait donné, justement, la joke Placement Québec, justement, puis que Mike Ward avait fait. Là, justement, TVA avait carrément repris ça. Ça a viré comme une joke sur Cédrica Provencher, alors que ce n'était pas du tout le cas. Je suis d'accord que peut-être l'utilisation du nom était peut-être pas très bien choisie à l'époque, mais malheureusement, je trouve que là, on prend tout au premier degré. Il faut vraiment prendre une phrase précise, puis sérieusement. Puis de toute façon, pour moi, TVA, là, plus j'écoute ça, pire c'est vraiment... C'est ça. Il faut vraiment essayer de prendre au second degré, aller voir un show au complet, parce que c'est du montage qu'ils font à juste pour rire, fait que là, tout le monde ne comprend pas. Ben, moi, je me demande si c'est pas ça, justement, qui nous a amené à l'intimidation, à « Oh, on devrait-tu prendre ça au second degré, les jokes qu'on nous compte, blablabla? Bla, » bla. Il y a une différence entre l'intimidation et de l'humour comme eux autres ils font, là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous comprenez ce que je veux dire, là. Oh, oui, ben tu sais, c'est ça. C'est un peu à quel degré qu'on prend l'humour aussi, tu sais. Mais d'un sens, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, sauf que tous les goûts, j'aime pas tout ce qui se fait non plus, tu sais. Mais ce que je suis bien d'accord que le monde n'aime pas nécessairement les blagues de Mike Ward. Personnellement, moi, c'est pas mon humoriste préféré. Des fois, je trouve qu'il fait de très bonnes blagues, mais j'irais pas le menacer à mort devant sa maison pour lui dire que lui, c'était Christian, il n'aurait pas dû faire une joke comme ça. Tu vois, là, tu finiras pas ta semaine et tout ça. Ça, il y a vraiment des limites à ça. Tu peux détester un humoriste, mais ne menace pas une personne publique comme ça. Fais pas un Jeff Sarp de toi. Non, je pense, je sais pas si vous en avez parlé justement à M. Net, là, l'événement Jeff Sarp, justement, intimidation, je pense que vous en avez parlé justement, puis aussi avec la petite fille qui s'est suicidée. Là. Marie-Lou, oui. Ouais, Marjorie, c'est ça. Marjorie, ouais. C'est ça. Puis ça, c'est un très bel exemple, justement. Le monde ridèle, tout ça. Puis elle a carrément pris ça. C'est insupportable. Là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, surtout dans les médias, tu sais, quand on apparaît, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, on passe à la télé, il y a des phrases qui peuvent être dites. Mike Ward, il y a des jokes que lui peut trouver drôle, que quelqu'un va être vraiment choqué de ça. C'est dur à saisir, tu sais, chaque personne a un humour et une quantité. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui se font donner des billets pour aller voir Mike Ward, qui à la limite, ils savent même pas c'est quoi qu'il fait comme humour. C'est sûr, moi, je l'ai déjà vu en spectacle, Mike Ward, je suis pas fan, mais je savais à quoi m'attendre, tu sais, je veux dire, je m'en allais pas en me disant, tu sais, ça va être de l'humour à... T'sais, très, très doux, et on va parler de papillons, là, je m'attendais pas à ça, mais non. J'ai quand même réussi à être touchée, puis c'est un gars qui est touchant aussi, c'est super bon son show, mais évidemment, les bouts qui montent à la télé, ben c'est tout le temps quand il sac, quand il parle de plot, de n'importe quoi, tout ce qui est vulgaire, c'est ça qu'ils vont montrer, mais c'est pas juste ça, Mike Ward, non plus. Fait que, tu sais, d'un sens, je pense que le monde, tu sais, la télévision montre bien ce qu'ils veulent montrer. Puis autant que, tu sais, les humoristes, ils ont leur humour, mais ils sont plus profonds que ça, tu sais, au bout de la ligne. Donc, puis si les gens se font donner un billet pour Mike Ward, puis c'est des gens qui aiment pas que ça sac, qui aiment pas que ça parle vulgaire, ben ils vont pas voir Mike Ward, là, je veux dire. C'est donne ça. Tes billets à tes enfants, puis laisse faire, là, tu sais. Ben justement, moi, j'ai été voir Mike Ward au 10-30 il y a quelques mois de temps avec ma copine, et on était assis, et quelques bancs plus à notre droite, on avait un couple pas mal assez âgé qui regardait et qui était comme « Mais c'est quoi cet humour-là? » Choqué. Mais à quoi tu t'attendais? Justement, comme Lynn Bou a dit, est-ce qu'ils se sont fait donner les billets? Ils savaient-tu c'était quoi Mike Ward? Ou est-ce qu'ils ont gagné tout simplement? Je veux dire, un autre bon exemple de ce genre d'humoriste-là, c'est Jean-François Mercier, là. qui est encore plus heavy des fois, là, puis il va. Puis Jean-François Mercier, c'est encore drôle, c'est encore plus drôle parce que là, étant donné qu'il a gagné un Olivier du meilleur humoriste de l'année, bien là, il y a encore plus de gens qui sont intéressés à aller le voir parce que là, ils se disent « Crime, c'est l'humoriste de l'année, on va aller le voir. Mm-hmm. » Mais attends, là, c'est pas général, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un humour qui est général à tout le monde. C'est pas parce qu'il gagne l'humoriste de l'année que c'est un humour qui est accessible à tous, là. Vraiment pas, exactement, là. Puis c'est ça, puis si on regarde également son passé, là, c'est pas super non plus. Puis si on se souvient bien, Jean-François Mercier, c'est un des co-réalisateurs des Bougons. Oui, c'est ça. Puis les Bougons, là, ça a marqué, c'est, je pense que c'est l'émission que j'étais le plus déçu qu'ils disparaissent des ondes. C'est ma génération, personnellement, moi, les Bougons, puis j'ai connu Rémi Girard, là, j'ai connu Hélène Bourgeois-Leclerc, extrêmement bonne actrice. Il y avait une panoplie de personnes qui étaient très bons là-dedans, là. Puis sérieusement, c'est là que j'ai connu justement Jean-François Mercier, puis également, je me souviens pas l'autre, je sais qu'il fait beaucoup de spectacles, mais je me souviens Antoine, pas. Antoine Bertrand. Antoine Bertrand, je sais, mais c'est l'autre réalisateur, je pense. Louis Bissette, les scénaristes, toi, tu parles. Ouais, mais c'est pas un scénariste, non, c'est François, un autre. François Havard, c'est ça. C'est Havard, là, justement, ces deux-là, ils ont créé un des meilleurs shows télévisés à Radio-Canada. Là. Puis j'écoute plus de shows à Radio-Canada qu'à TVA. Fait que, tu sais. Ben, moi, ça. Les gars, il va falloir que je vous laisse. Je voulais juste vous jaser un petit peu ce soir. Mais ça me fera plaisir de revenir avec vous jaser un petit peu plus une autre fois. Ben, et merci beaucoup, je vous souhaite. Ben, ça fait bien plaisir. On va être à plaisir qu'on va t'accueillir. Ben là, certains, ça me fait plaisir. Puis, ben, bonne continuité. Puis, je suis sûre que ça va marcher. C'est un bon trip. C'est un beau trip aussi de pouvoir parler de télévision, puis ainsi de suite. Puis, je vous encourage. Je ne sais pas plus vous encourager que ça. Ben, nous, on parle un peu de tout. Fait que si jamais il y a des questions que tu veux poser, musicales, le sport, tout ça, on va vraiment regrouper ça en un bon podcast. Puis, c'est ça. Puis, on lance ça en janvier. Donc, sérieusement. Tu parles de ça de temps en temps, puis fais-nous un bon coup de pub, puis c'est ça. Puis on va tuer nous autres aussi. Ben, ça va nous faire plaisir. Toute la gang de Geekbécois, on parlera de vous, ça va nous faire plaisir. Vous avez l'air d'une belle gang, puis je suis sûr que ça va marcher, je suis même pas inquiète. Parle de tes deux prochains en ce moment, que sur lesquels que t'es, Lynn? Oui, ben, je suis sur Geekbécois, évidemment, pour les podcasts, le podcast mensuel et le podcast Geekbécois Extra, qui est animé par la sexy animatrice Steve, qui est mon chum. Et je suis aussi, j'ai parti un nouveau site internet qui est webemascara.ca. Je le regarde en cachette. Ben, c'est correct, ça. C'est correct que ce soit fait en cachette. On aime ça pareil. Nous autres, on le sait, par exemple, tu le regardes. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Puis c'est un site que je tripe bien gros. On est 14 filles maintenant qui écrivent sur le site. Et c'est des blogueuses incroyables. C'est, 14? Ouais, on est rendu 14. 14. Aïe, aïe. Ça roule. Il y en a des sites internet qui n'en ont pas autant, puis ils ne rentrent pas. Mais 14, sérieusement, là, je suis vraiment impressionné. Ben, la première journée qu'on a fait la demande, qu'on cherchait des chroniqueurs, on a eu 36 demandes de filles. Là-dedans, on a fait un tri. Je pense que c'est un projet qui arrivait au bon moment. Tu sais, je pense que c'est juste ça. Les filles étaient intéressées à écrire, puis il n'y avait pas vraiment de blog de filles qui se faisait présentement. Donc, tu sais, bonne place au bon moment, puis c'est ça qu'on a lancé. Le projet va grossir de plus en plus, c'est sûr. Je vous en reparlerai une autre fois, mais on a plein d'idées, plein de projets. Ça évolue très, très rapidement. Mais ouais, fait qu'on est une belle gang de 14 filles qui écrit à tous les jours, et je pense qu'on a quelque chose de cool. Fait que ça, je suis là, et je suis aussi à Monsieur Net. D'ailleurs, c'est moi qui va être là. Ben, c'est moi. Je suis une de ceux qui sera là jeudi pour le concours du Bon Noël qui va être gagné. Donc, que vous j'espère avez... gagner, justement. J'ai rentré les 25 noms. Je vous le souhaite toute la gang, mais mon chum aussi aurait bien aimé ça gagner, mais évidemment, il ne peut pas participer. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il pleure à chaque soir depuis ce temps-là. Mais fait que je vais être... Oui, c'est ça. Tu envoies un petit quelque chose, une batterie, genre. Donc, c'est ça. Fait que je vais être là jeudi à Monsieur Net. Donc, ça, c'est un peu les projets sur lesquels que je suis. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Laissez-vous aller. Je suis toujours là-dessus. Donc, c'est ça qui est ça. Bien, merci beaucoup, Lynn. En ce temps, tu aurais parlé plus tard. Merci d'avoir collaboré avec nous aujourd'hui à la dernière minute comme ça. C'est un grand plaisir. N'importe quand, ça va nous faire plaisir. Puis, qui sait, on vous invitera sûrement aussi dans un de nos podcasts pour que vous puissiez parler de votre projet. Parfait. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Salut. Bye. Wow. Hey, 14. 14. Tu dis, qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me dit que vraiment, il n'y a pas juste des filles qui font, ben, des gars qui font des blogs, mais également des filles qui veulent vraiment s'impliquer à écrire et à montrer leur intérêt. C'est vraiment intéressant. Tu vois les chroniqueuses de la Machinette, tu vois Lynn Boutillier, Mel Bichartier, justement, qui est dans l'épée légendaire. Tu vois ces filles-là qui veulent s'impliquer dans un domaine masculin. Nous autres, notre domaine de gars, puis là, tu vois ça, ces filles-là qui veulent vraiment se donner à fond dans ce qu'elles aiment. Mais c'est intense. Elles ne parlent pas juste de techno non plus. Là. Il y en a une qui parle de massage, une qui parle de relations de couple, une qui parle de cinéma. Ils parlent de tout ce qui rapproche avec les filles. Et comme je disais, je leur regarde en cachette parce que des articles sont comme intéressants. Moi, comme j'ai dit tantôt, je regarde des films quétaines avec ma copine, mais c'est parce que j'écoutais déjà ça avant. Et des fois, des films quétaines, c'est intéressant. J'en ai vu des films quétaines dans ma vie. C'est quand tu as vu ton dernier Twilight, toi, là? Non, ça, par exemple, je tiens mon point sur la table. Il n'est pas question que j'écoute ça de ça. Je vous raconte une anecdote justement à propos de Twilight. J'ai un ami qui travaillait chez Alliance Viva Film à l'époque. Il m'avait dit, regarde ça, tu vas triper. C'est un film sur les vampires. Ça s'appelle Twilight. Oui, j'étais là. Il nous montre des trailers, mais à l'époque, les premiers trailers qu'il nous montrait, c'était les combats des vampires. Moi, j'étais là. Wow! C'était le trailer pour vendre le film aux gars. Ouais. Je commence les premières minutes. Et là, je suis comme, non. Je pouvais pas regarder plus loin. Là. On n'avait pas eu une scène de combat et ça faisait une demi-heure qu'on avait commencé le film. Blade avait déjà éliminé toute la famille à lui tout seul en 30 secondes au début du film. T'sais, même dans le Seigneur des Anneaux, tu avais le temps de voir l'anneau tomber du doigt de Sauron. Tu avais tout le temps de voir l'action dans le film, direct au début. Et dans Twilight, il n'y a absolument rien. Même, encore une fois, les autres épisodes qui nous ont présentés, les scènes d'action étaient quand même mises à l'avant-plan. Mais sérieusement, il n'y avait rien. Il n'y a rien dans ces films-là. Là. C'est ça. Et je reviens à ce que je disais. Les films quétaines, excusez-moi, j'en ai vu certains. Simplement Amis, Just Friends, ça, j'ai aimé ça. Le tout pour le tout, j'ai aimé ça. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Ah, Love Story, c'en est un beau. Il y a aussi... Le Lagon Bleu, j'avais trouvé ça pas pire. Il y a certains... Le Pirate de mes rêves. C'est certains films... De filles comme moi, je voulais rien savoir de Dawson's Creek. Rien savoir. Les frères Scott. Mais j'avais deux amies filles qui ont tout fait pour me convaincre d'écouter ça. À rien pantoute. Non. Ma copine, elle écoute ça comme une malade en marathon. J'ai été chercher des épisodes. J'écoute un épisode. Deux épisodes. Trois épisodes. Ah, ben, t'es dans l'histoire, pas juste l'histoire quétaine. Parle de basketball, parle de meurtre, parle de policier. Puis, oh, le but! 3-1 Montréal, et je crois que c'est Eric Cole, justement. Donc, ouais, c'est justement Eric Cole qui vient de compter, c'est 3-1 Montréal. Il remplace-tu bien Gianta, lui, cette année, hein? Sérieusement, non seulement il remplace bien Gianta, mais il remplace même Camilleri en même temps. Non, sérieusement, Eric Cole, là, c'est. Le pire, c'est que c'est Gianta qui l'a proposé à Pierre Gaultier, hein? Oh! Mais on va dire qu'il faut donner ça à Gianta et justement à Pierre Gaultier qui est allé chercher. Ah, très belle passe de Desharnais là-dessus. Wow! Desharnais avec Cole, je pense qu'on a trouvé un bon duo, là. Il en parle depuis plusieurs temps. Qui complète ça aussi, là. Fait que pour venir au film quétaine, moi, j'en ai... je vous l'explique tout de suite, là. J'ai à peu près 700-800 films originaux, là. Pas copiés, là. Et là-dedans, j'en ai au moins une bonne centaine que c'est des histoires quétaines. Et j'en ai aimé plusieurs. Il y a New Year's Eve qui est sorti avec John Bon Jovi, Ashton Kutcher. C'est le genre de film que, oui, je serais intéressé à regarder. Il y a un autre film aussi avec Hugh Grant, que je vais vous retrouver le nom, que j'avais vu il y a quelques années. Le P, c'est que j'allais acheter. Hey, des fois, là, autant je vais vous sortir les titres en claquant des doigts. L'amour tout simplement, si je ne me trompe pas en français, qui est sorti il y a plusieurs années. Love Actually, qui réunissait aussi une bonne pléiade d'acteurs comme Gary Oldman, comme Liam Neeson. J'avais vu le film et moi, j'étais comme « Hey! » Puis là, il y a la veille du Nouvel An aussi qui vient de sortir. C'est ça, New Year's Eve. Il y a eu Saint-Valentin il y a quelques années avec Ashton Kutcher aussi puis Jennifer Gartner qui avait sorti. J'étais comme « Hey, c'est bon! » Fait qu'une fois de temps en temps, un petit film quétaine avec ma blonde. Je l'avoue. Moi, j'aime ça. Tu le prends. Faut que tu le prends au second degré aussi parce que si tu le regardes dans le gars, tu fais comme « Ouais! » C'est ça. Il y a des films que tu peux regarder avec ta conjointe ou avec ta blonde ou quoi que ce soit. C'est certain qu'à un moment donné, il faut que tu lances une petite chaîne. Tu fais comme, OK, c'est bon. Puis c'est ça. Mais s'il y a des films, naturellement, que je ne vais pas endurer, c'est certain. Là, des films que je préfère regarder, c'est des films un petit peu plus psychologiques. Inception, La Ligne Verte. Ça, c'est des grands films pour moi. Là. Sérieusement. La Ligne Verte, je suis d'accord. C'est juste dommage, moi. J'écoute les films en anglais, mais il y a quelques au début du DVD, les films étaient très rares en français de la Warner et je l'ai en anglais. C'est un film, oui, j'écoute les films en anglais, oui, je comprends mon anglais, mais il y a certains films, je veux les écouter en français pour comprendre les difficultés, pour comprendre certains scénarios qui sont difficiles à comprendre. Et La Ligne Verte, ça, c'est un maudit bon film, là. C'est ça. Sérieusement, si vous n'avez pas vu, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux qui n'ont pas vu La Ligne Verte, je sais qu'ils partent de temps en temps à TVA, mais avec des coupures de toutes sortes de scénarios, allez vous chercher le DVD La Ligne Verte. C'est un des plus beaux films. C'est un film, là, c'est un des rares films que j'ai pleuré, sérieusement, là. Mais Michael Clarke Duncan avait remporté un Oscar où il avait été c'est ça. Puis il l'avait en estique, là, quand son rôle, là, c'était bouleversant, triste et drôle à la fois, de temps en temps, avec la petite souris. T'avais pitié pour lui. Oui, t'avais pitié aussi pour le monsieur Jingle, justement. Tu voulais pas qu'il arrive de quoi non plus. Là. Tu t'associais à John Caffey, tu t'associais à monsieur Jingle, tu t'associais aussi à Paul Edgecombe, qui était le personnage joué par Tom Hanks. C'était magnifique comme film. Comment il s'appelait? Il y avait le gars qui jouait dans les Sesame Street qui avait joué là-dedans. Je suis justement sur la page Twitter, Wikipédia. J'essaie de retrouver l'acteur. C'est le gars des Sesame Street. Il avait joué dans ce film-là. Je vais pas toutes les passer, les gars, mais j'aimais son rôle. Il jouait le petit prisonnier, toute pitié, avec sa souris, justement. Ouais, Drôme de la Croix. Il avait aussi joué je m'en souviens, il avait joué dans le plus ou moins bon Jurassic Park 3, justement. Il avait c'est joué ça, un pilote. Michael Jeter. Ouais, Michael Jeter, c'est ça. Édouard de la Croix. C'est ça, ouais. C'est ça. Il avait joué dans Jurassic Park 3, c'est ça, toi, t'as raison. Hey, puis ça, là. Je peux vous sortir ça. Il avait joué justement Monsieur Noodle et le frère de Monsieur Noodle dans le monde de Elmo. Ouais. Et justement, Jurassic Park 3. Comment j'ai tellement trippé sur les deux premiers volets. Le 3 a été un massacre. Ouais. Et là, Spielberg, lui, arrive et je vais en faire un quatrième. Oui, ça a été annoncé, un quatrième Jurassic Mais Park. Si c'est lui qui est derrière la caméra, j'ai pas peur. Mais s'il laisse quelqu'un d'autre... On parlait de Michael Bay hier. Ouais. derrière la caméra ou devant la caméra, là, je m'excuse, là, mais c'est flop. Mais c'est ça, là. Ah, mais Jurassic Park, moi, j'ai trippé sur ces romans-là. En 93, moi, je... C'est des romans. C'est ce qui m'a donné le goût de lire. Jurassic Park, Michael Crichton et Tom Clancy, qui étaient deux bons romanciers quand j'étais jeune, Michael Crichton m'a donné le goût de lire et c'est lui qui m'a donné le goût de faire le métier que je fais aujourd'hui. Un métier qui se rapproche de la science. Oh! Le 3D Montréal, je pense que je sais pas exactement c'est qui que compter. Numéro 12, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai à l'envers parce que j'ai comme un cadre dans le salon qui reflète la télé. Et moi, c'est ça, mais moi, je l'ai carrément dans ma face. Et c'est justement, c'est le numéro 12. C'est. J'allais l'avoir. J'allais l'avoir le nom. Je suis pas certain. J'ai vraiment de la misère tellement que ça bouge. Bailey. on serait vraiment pas bon pour faire ce job-là. Oh. Non, on est vraiment mal parti, là, sérieusement. Hein. Fait que, tu sais, on a beau dire qu'on veut essayer de faire des Pierre-Roud en ce moment, là, mais oubliez ça, on battra jamais l'expertise de Pierre-Roud. Il y a tous les noms, de toute façon, là, sur sa feuille, là, fait que... Non. Lui, là, c'est vraiment de la mémoire. Il l'a déjà dit, la grandeur, par les numéros, il le sait par cœur. Et savez-vous pourquoi ils mettent les nouveaux numéros en haut des casques? Parce qu'il y en a qui se plaignaient qu'ils étaient... Il y a des commentateurs qui n'étaient pas capables de reconnaître les joueurs. Ils mettaient les numéros en haut des casques. Je me rappelle, les premiers temps des années 90, la Fox avait les doigts sur les matchs de hockey. Il y avait eu l'idée de mettre une genre de micro-puce dans la rondelle, que quand que la rondelle était lancée, il y avait comme un filet bleu qui partait. Comme un peu... Là. Hey, oh, c'est drôle parce que justement, ça me rappelle justement, on va revenir justement au jeu. S'il y avait un jeu qui suivait carrément la puck, la rondelle, carrément, puis ça marquait carrément la télévision. Fait que là, tu savais carrément où est-ce qu'était la rondelle, mais ça avait gâché carrément le jeu. Je l'ai. C'est le fameux Fox Tracks. Je vais le mettre sur le chat. C'était comique, là. On voyait la filée de la rondelle. Il disait, c'est pour qu'on puisse suivre la rondelle. Le monde n'était pas capable de suivre un point noir. C'est les Américains, hein? C'est vraiment les Américains qui s'en foutent du hockey, là. C'était comique, là. T'as regardé ça, pis t'es comme, mais voyons, comment ils font pour pas voir ça? Et c'est sûr que quand toi, t'étais jeune, c'était comme, hey, cool, ça fait plein d'effets spéciaux, pis tout. Il y a certains trucs, OK, oui, j'adore, comme, je te donne un exemple. Au football, les fameuses lignes de démarcation pis les 10 vierges, je suis d'accord. Tu sais, ça nous aide à savoir, OK, il reste ce nombre de vierges-là à suivre. Pour passer justement un premier essai puis tout ça, puis c'est ça. Là, je sais pas c'est quoi ce son background. Je pense que c'est Fred, mais ça comme ça, j'entends vraiment. C'est ça. Mais juste pour venir justement à Jurassic Park, justement, ça avait été quand même un maudit gros succès. T'sais. Il avait quand même gagné des Academy Awards dans ce temps-là. T'sais. Meilleur montage sonore, puis meilleurs effets spéciaux. Là. Jurassic Park, ça c'est. Oui, non, c'est sûr. Et je me rappelle, c'était Softimage, une compagnie québécoise qui avait fait les effets spéciaux à l'époque. Et aujourd'hui, tu regardes certains films. Oh my God, j'ai encore les images de la Fox en avant de moi. Je vais arrêter ça. Tu regardes certains films aujourd'hui, tu regardes les effets spéciaux, tu es comme, mon Dieu, on est en 2012 et on en est descendu là. Ouais. Je trouve qu'à un moment donné, ça a monté. C'est certain que ça a monté grâce à Star Wars, on s'entend. Là. C'est là, après ça, on a eu Alien, on a eu Indiana Jones, on a eu Jurassic Park, justement, les dinosaures. C'est justement la majorité qui avait justement, c'était des robots pour certains. Puis là, après ça, toute l'animation, c'était magnifique. Là, si Alien, tu voyais, les dinosaures étaient vivants. Alien, c'est les maquettes, le premier Alien, c'était une maquette carrément. Là. Mais c'est vraiment Jurassic Park qui a lancé l'univers des films effets spéciaux faits par ordinateur à bas prix, on pourrait dire, qui ont tout suivi. Et des fois, même dans des comédies, tu as des effets spéciaux à l'ordi à ce temps. Il y a quelques semaines, j'ai écouté Change Up avec Ryan Reynolds. Mon Dieu, les bébés sont faits à l'ordinateur. À un moment donné, l'acteur qui jouait dans Arrested Development, qui joue aussi là-dedans, vient pour changer la couche du bébé. Et le bébé décide d'y faire un beau cadeau. Mais même le cadeau était fait à l'ordinateur. Mais voyons donc, il y a quelques années, les gars se cassaient la tête pour essayer de faire que le Mr. Big ressemble à le cadeau. Pour que ça l'air plus crédible. Là, c'est comme, regarde, on le fait à l'ordinateur. Astor, c'est Avatar. Mais, sérieusement, non, mais vraiment, là, c'est envahi par les effets spéciaux. Là. Tu vois, les films, justement, mais des fois, c'est bon, ça sert beaucoup. Tu sais, je veux dire, dans Titanic, là, c'était pas un vrai bateau là, qui coulait, là, c'était pas une maquette. Là. C'était carrément un effet spéciaux. Attention, Titanic, c'était une maquette. C'est une Mac, celle-là? Oui, okay, mais on voyait toujours le côté de TVA. De ce que je vois, là, c'est pas super avec le contraste. Là. Parce que ce qui arrivait, le bateau n'avait été fait que d'un seul côté. James Cameron, pour économiser dans les coûts, parce que le film a vraiment coûté beaucoup d'argent, on avait fait seulement que le côté droit du bateau. On ne voit ou le côté gauche, on ne voit jamais... Là, il y a un autre part de l'Institut canadien, mais là, c'est peut-être... Ah, oh, c'est Eric Cole, c'est pas le temps, là. Oh non, non, non! Hey! Oh, hey, je pense que ça va te pousser un peu. OK, il est peut-être correct, mais il est peut-être blessé sa main, je sais pas. Hey, c'est pas le temps, pas Cole! C'est vraiment pas le temps, là. Sérieusement, là, tu sais. Les Islanders, c'est sûr que c'est une des... Hey, c'est jeté carrément pour le faire tomber. Et le pire, c'est que ça, là, c'est légal! C'est ça. Ça, c'est un coup légal. Je suis bien d'accord que ce soit légal, mais il y a des limites carrément. Là. Tu sais, il était dans une position vulnérable, c'est certain. Puis là, c'est les côtes en plus. Je veux bien croire qu'on aurait d'éliminer des coups violents, là, mais il y a bien des limites à éliminer certaines affaires. Là, puis... Non, c'est ça. Fait que pour revenir aux effets spéciaux, oui, je suis pas, mais dans des films de science-fiction, s'il vous plaît, je me rappelle. À l'époque, on avait eu le film Le Fugitif avec Harrison Ford, Tommy Lee Jones. C'était écrit en gros sa pochette et il était fier de le dire. Le train qui prend la débâcle au début du film, c'est un vrai train. Il était fier de l'écrire en gros. Aujourd'hui, ils peuvent te faire croire n'importe quoi aujourd'hui là. Puis tu regardes justement certains making of de films. Puis, un plus bel exemple, c'est justement le Chevalier Noir, The Dark Knight. Et tu voyais certaines scènes, le camion qui roule, même la moto de Batman, c'est une vraie moto qui roulait. Le son était modifié, c'est certain. Ils l'ont dit, mais c'est un vrai véhicule là, qui roulait à certains moments. Là. Ouais, c'est impressionnant. Là. Non, il y a comme trop d'effets spéciaux, sérieux. Un moment donné, j'aimerais ça qu'on revienne à le travail. Un vrai travail humain. D'artiste, ça, d'humain, là. Les gars qui se cassent la tête. J'ai peur des prochains Freight. J'ai peur qu'ils nous foutent un gars qui porte un blue suit, puis qu'on arrive et qu'on... La détection de mouvement. Mais c'est ça, Tintin, j'ai aucun problème que ce soit fait de même, puis la base, c'est un dessin animé, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ça, j'ai aucun problème, parce que comment veux-tu reproduire un être qui s'est carrément déformé avec 500 ans, avec une sorte de babiole? Oui, mais... En parlant de Gollum, est-ce que vous avez vu le film La montée de la planète des singes cet été? Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais le gars qui faisait Gollum, c'est le même qui joue le personnage de César, le singe là-dedans, puis je vous dis, c'est Andy une Serkis. Performance écœurante, parce que il incarne le singe, je peux pas parler, ça passe tout par les expressions faciales, et je vous dis, sérieusement, c'est écœurant. Mais Andy Serkis, justement, j'ai une petite affaire par rapport à Gollum. Andy Serkis, quand il a fait le personnage de Gollum, on voyait pas les expressions faciales de sa part. Ça a été refait une autre fois par une autre personne, une autre technologie, mais les mouvements, c'était lui. La voix, c'était lui. Andy Serkis, là, c'est l'exemple approprié pour le voice avec le mouvement, l'action des mouvements, tout ça, puis de vraiment incorporer un personnage technique. Puis justement, le dernier exemple, c'est Archibald Haddock, le capitaine dans Tintin. C'est lui qui fait Haddock. Oui, c'est lui aussi qui fait King Kong. Le gars, c'est vraiment spécialisé dans ce genre de rôle-là. Ouais. Peter Jackson l'engage chaque fois qu'il fait un film et qu'il faut qu'il fasse du motion capture, il engage ce gars-là. Mais Tintin, je peux comprendre qu'ils ont fait ça comme ça. Parce que la dernière fois qu'ils ont fait un Tintin live, c'était les Oranges Bleues. Et excusez-moi les gars, mais c'était pas bien respecté. Et non. Je crois que Spielberg s'est dit, si je veux respecter l'univers de Tintin... Faut que tu te bases sur l'univers d'RG. Et oh boy, pas pire, arrête Gary Price. Donc, c'est ça. C'est ça. S'il voulait respecter l'univers de Tintin, je crois que les films en motion capture, comme qu'il l'a fait, c'était la meilleure façon. Ouais. Sinon, le film en live capture aurait été pas une quétainerie, mais ça l'aurait été... difficile à accepter. Ça aurait été difficile à accepter. On aurait eu des effets spéciaux par-ci, par-là, mal conçus, mal faits. La séquence qu'on voit Tintin descendre avec le vélo sur la corde à linge, en vrai, est-ce que ça aurait été aussi crédible? Je ne pense pas. Même les explosions, de faire passer ben, le bateau, puis tout ça. Tout... Le bateau en forme de requin? Ouais. Ça aurait été kitsch. Le sous-marin, là, à un moment donné, là, c'est certain. Puis après ça, va être le temple du soleil. Après ça, de reproduire tous ces incas-là. Ça va être le prochain volet. Je pense juste au prochain volet. Le temple du soleil, de reproduire Tournesol, les incas, la momie de Raskar Capac, parce que je connais le nom. Ça va être quelque chose de reproduire tout ça, là, tout avec le détection de mouvement. Là. Objectif Lune, aurais-tu vu la fusée en vrai, toi? Oh mon Dieu, mais j'ai hâte qu'ils fassent Objectif Lune. Il faut qu'ils fassent Objectif Lune ensuite. Non, là. Non, c'est évident, ils vont faire Objectif Lune. Parce que de toute façon, ils peuvent pas faire avant. Selon la chronologie, là, ils peuvent pas faire avant le trésor de la avec les trésors de la licorne. Ils peuvent pas faire avant. Ils pourront pas faire Tintin au Congo, ils vont se faire poursuivre. C'est fait ça. Que, ils peuvent plus faire avant. Fait qu'on y va après. On a Objectif Lune, on a les 7 boules de cristal. Attention. C'est là que je t'ai averti, c'est que Tournesol a été inclus dans le trésor de Rackham le Rouge. Et le fait que peut-être qu'il pourrait essayer de reprendre un peu à partir de là, ou trouver un moyen d'introduire Tournesol carrément dans les 7 boules de cristal, parce que ça a été le deuxième volet. T'sais, il rencontre tout de suite dans Rackham le Rouge, puis il faut qu'il aille le sauver dans les temples Inca. Puis après ça, ils reviennent, puis justement, c'est Objectif Lune. Et Objectif Lune, c'est probablement. Ça va être le gros film de Tintin, d'après moi, là, à part le temps du soleil. Là. Mais de toute façon, c'est pas vraiment une annonce parce que si ça avait été averti depuis le début, ça va devenir une trilogie. Ouais, ben, Spielberg l'avait dit. Trilogie. On parle déjà d'une trilogie. Ben, c'est ça, mais c'était déjà parlé il y a plusieurs années. Quand Peter Jackson et lui ont pris le projet en main, c'était déjà sur table. C'est une trilogie, c'est Spielberg, c'est Peter Jackson, puis il manquait le troisième réalisateur. Un moment donné, on nous a dit George Lucas, on a dit Guillermo del Toro, on nous a amené plein de noms. Là, je sais pas, ça t'es qui le prochain réalisateur. Là. Mais ça a l'air que Peter Jackson il veut prendre contrôle du projet pour les prochains Tintins. Ben, c'était déjà prévu. C'était déjà prévu que c'était supposé d'être Peter Jackson le deuxième. Ouais. C'était prévu. Spielberg l'avait dit, je fais le premier, mais avec tous les projets qu'il y avait, c'était le deuxième, c'était Peter Jackson. Peter Jackson va... Oh! 3-3. Hey, si, Bolac. Hey, pas une autre fois, s'il vous plaît. Là. Hey, puis contre les Islanders, là, t'as vraiment pas le droit de perdre contre cette équipe-là. 3-3, s'il vous plaît, là. Puis on menait quand même 3-1. Mais là, hey! Ça fait combien de matchs là, qu'on bousait une avance? Quand même assez, plusieurs, je préfère pas les compter. Mais, Non! Carey Price avait aucun. Il avait pas le contrôle de la rondelle, mais pas en tout. Il a quand même dans sa jambe, puis c'est pas ce qu'il fallait vraiment qu'il fasse. C'est justement qu'il a compté. Ouais. Oh. Hier, on parlait du joueur des Oilers, des Islanders de New York. J'ai pensé à ça pendant la journée. C'était pas Tyler Seguin ni Tyler Hall qu'on voulait dire. C'était John Tavares. Parce que John Tavares, ben oui, parce que Tyler Hall était à Edmonton. Tyler Seguin est à Boston. C'était Tavares. On s'est vraiment trompé. Puis c'est justement c'est John Tavares qui a marqué. Ouais. Ah oh, non, s'il vous plaît. Là. Oh. C'est vraiment pas le temps. Tabarouette. Hey, mais c'est ça. Mais on va revenir justement sur les effets spéciaux, justement. Mais la détection de mouvement dans certains films, c'est bien correct. Par rapport à Andy Serkis, une des rares fois, il avait apparu justement dans des films britanniques, lui-même, comme acteur. Mais dans un grand film, la seule fois qu'il avait apparu comme humain, pour justement mieux s'associer au personnage de Gollum, justement, c'était dans Le Seigneur des Anneaux. Puis il avait carrément fait le personnage de Gollum, Sméagol. Avant Kaylano, quand il était avec Diego, qui était son frère ou son cousin, je me souviens pas. Puis quand il a trouvé l'anneau, puis il montrait un peu sa face également. Puis tu voyais que son état se détériorait. Puis c'était vraiment bien représenté. Là, tu te demandais vraiment si c'était Andy Serkis ou bien c'était la créature qu'ils ont faite à l'informatique, Gollum. Fait que c'est ça. C'était malade l'évolution qu'il avait présentée dans Return of the King, un des meilleurs films, un des films à voir. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est une série cinématographique à voir de toute façon. Même si vous ne suivez pas les livres, là, c'est les films à voir. Je suis d'accord avec toi, mais justement, Andy Serkis joue aussi, si tu veux le voir en vrai, dans 13 ans, bientôt 30. Film Keten! On parle de film Keten, justement, que Jennifer Garner, justement, qui passe d'une fille de 13 ans, puis là, tout d'un coup, elle a 30 ans. Fait que c'est ça. Mais Andy Serkis, je savais pas qu'il avait joué. Attends, je vais aller voir ça. Je vais sortir la biographie et continuer. Il fait le patron de Jennifer Garner dans le film. Il fait le patron de la boîte de magazine dans le film. Comme je disais tantôt. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Patrick Grou? Ouais, hein? Ça n'a pas de bon sens, là. C'est Patrick Grou, là, à côté. Oui, va voir Patrick sur Wikipédia, Grou. Là. Tu compares avec Patrick Grou. Patrick Grou qui va faire le rôle de César dans le prochain Planète des Singes. Mais en parlant de Québécois qui ont déjà failli faire des films, je sais pas si vous saviez, mais à l'époque de Star Wars, c'était Michel Cotamache qui était supposé faire Jar Jar Binks. Ah, oh, mon Dieu. Non. Ben, oui, regarde, on s'en fout, là, Jar Jar Binks aussi, là. Attends. Mais c'est quand même... J'aime Jar Jar Binks, moi. C'était supposé être Michel Cotamache et ils sont arrivés, désolé, mais t'es pas assez grand. Ben là... Il n'était pas assez grand pour le film. Alors, ils l'ont comme balayé du balai. Ah ouais, on va prendre un autre acteur. Le fameux acteur qu'on a vu. Et, je ne me souviendrai pas. Comme qu'il disait dans le podcast, le groupe podcast de Star Wars, tu vois une scène. Oh! 4 à 3! Bon, là c'est qui? Mais là, on voit Youpa en même temps. Et que... 4 à 3 pour qui? 4-3 Montréal. Ouais. Je pense que c'est le chandail numéro 15, ben c'est Nucky Linen. Ouais. Non, t'inquiète. Si on crie qu'il y a un but, c'est parce que c'est Canadien. Si on pleure, c'est parce que c'est Islanders. Non, si on sac, parce que c'est Islanders. Ah, ok. Ouais, mais il faut pas qu'on sac, sinon on va avoir l'explicite à côté du. Ben là, je le mettrai pas sur iTunes. Ah, puis il venait sortir du banc en plus. Il se frappe la rondelle. Aïe, aïe. Bon. Ça, c'est malade. Il saute tout de suite sur la patinoire et il compte. C'est carrément sur un one-time shot. Fait que, tu sais, des expressions québécoises, ben ouais, c'est pas québécois pendant tout, c'est américain. Mais sérieusement, là, hey, pas pire. Hein. Bon, puis là, il commence à avoir du trouble un petit peu, là, sa patinoire. Ben ouais, alors, ils sont qui pour faire du trouble sur une glace? Je sais pas. Jean-Pierre. Il oublie que chante le chapeau du Père Noël. Ça se fait dessus. Ça, là, je trouve que c'est une des meilleures idées que les Canadiens ont eues. D'aller rechercher Youpi. Ouais, ça c'est le meilleur héritage que les Expos de Montréal ont laissé. Parce que sérieusement, à l'époque, quand les Expos avaient disparu, Youpi avait comme été disparu de la traque aussi. Et il y avait eu des rumeurs. Bon, Jean Coutu voulait acheter Youpi. Plusieurs compagnies comparatives voulaient s'approprier Youpi. Il y avait aussi, il y avait quand même une folie aussi autour des mascottes dans la LNH. Il y en a de plus en plus. Puis Youpi est embarqué là-dedans. Là. C'est ça. Alors là, on se demande. Alors, plusieurs se demandaient pourquoi que les Canadiens ne reprenaient pas Youpi. Ils ont dit, mais c'était parce que les Canadiens n'ont jamais eu de mascotte et on n'en veut pas. Et on ne voit pas bien comment que Youpi pouvait être une mascotte appropriée pour le Canadien. Aujourd'hui, Youpi, pardonnez-moi, mais c'est une bonne attraction pour le Canadien pendant les matchs. C'est ça, t'as les jeunes qui adorent Youpi, même encore aujourd'hui. Là. Même les personnes qui avaient suivi les expos, ils vont suivre certainement le Canadien parce que c'est Youpi, c'est une mascotte mythique au Québec. Là. Moi, je préfère Youpi au bonhomme carnaval. T'sais. Moi, sérieusement, je m'ennuie des expos. Oui, je sais pas si vous avez eu la chance de connaître cette époque-là. Moi, je l'ai je m'ennuie parce que c'est quand même il y avait c'est sûr qu'il y avait beaucoup de joueurs québécois non plus, mais c'était quelque chose, ça avait été un autre sport. Pas beaucoup, puis, il y en avait pas. C'est ça. On s'en foutait. Moi, sérieusement, c'était l'happening. C'était d'aller au stade, le hot dog, la liqueur, à pas cher. Tu avais un sport que tu peux aller en après-midi, en soirée, n'importe quel moment de la journée, presque 70 jours par année. L'été, c'était un bel happening. J'aimais ça. J'adorais ça aller là. Et sérieusement, il y avait eu des rumeurs cette année. Les Canam, les 3A. Il y aurait quelqu'un qui aurait approché Roger Brulotte pour savoir si on pouvait ramener une équipe de la Ligue de baseball majeure. Puis, oui, je serais d'accord avec tous ces projets-là. Mais. Toutes les rumeurs font qu'on va-tu vraiment y croire? Ben, il n'y avait pas de monde à l'époque. Et. C'est dommage parce que c'est tous des souvenirs que j'aimerais ça montrer à mon fils. Mon fils, ça, quand il va être plus vieux, j'aimerais ça y montrer. Ben, regarde, Zachary, on avait ça. Je t'emmène au baseball, père et fils. On va manger un hot dog avec une liqueur. Puis on va écouter, on va regarder un bon match de baseball. On ne pourra pas le faire. Fait que moi, si je veux que mon fils vive ce moment-là, je vais être obligé de l'emmener à Toronto. Peut-être même un match des Yankees, s'il faut, Russell Martin. Là. Non, avant c'est un exemple là, que je donne. Okay, là. Oui, mais avant d'aller voir un match des Yankees, moi, aller voir un match des Red Sox. Excuse-moi, j'aime bien mieux voir le Monstre Vert que le. Pas le City. Le Yankee Stadium. Mais c'est un des clubs les plus prestigieux de l'histoire du sport. Yankees. Alex, en passant, je fais juste avertir, on doit arrêter de sacrer. J'ai pas sacré. Ah, OK, parce qu'il y a un bébé qui nous écoute. Ouf. Et c'est ma filleule. Ah, bonjour, Alice. Non, je n'ai pas sacré de toute façon. Là, fait que c'est ça. J'entendais aussi des bruits de fond, donc je n'étais pas certain bien. Non, ça, c'est Fred. Fred fait encore sa dissertation. Je suis en vacances. Il est sur son trip, là. Mais c'est ça. Je pense qu'on va arrêter ça là, les gars, pour asseoir. OK. Hey, c'est le fun. Et en plus, j'ai réussi à enregistrer un petit bout de Lindbou. Ah, ben ça, c'est parfait. Ça, c'était à garder dans nos souvenirs. Ouais. Lindbou est passé, les gars. Ça a été quelque chose vraiment de fou. On va le remercier encore, sérieusement. Merci à ceux qui ont été là dès le début. Ah, on a pogné un bon pic. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'est le fun, on peut nous dire parce que ben, tu me le diras après. Okay. C'est ça. On vous laisse. Je pense qu'on va attendre à samedi pour le prochain show. Et, ouais. On vous revoit samedi. Samedi, c'est un palmarès de l'année qui va être un vrai pilote pour de bon du show pour savoir comment on va le runner pour janvier. Merci beaucoup, tout le monde. On se revoit samedi. T'es beau. Salut. Ciao. Vous êtes toujours là? Ouais.